scénariste, Ndiko Manyanga. Le duo Mylène Grimbabadze et Erika Doga sur la mise en onde. Bienvenue à cette actualité de la mi-journée de ce lundi 17 mai 2021. Donc voici d'abord l'essentiel. Deux personnes mortes, noyées, oui, maisons détruites et les routes quasiment impraticables. C'est le bilan provisoire des inondations de la plaine de Gihanga causée par la rivière Kajeke. Plus de 4600 élèves des écoles publiques sont touchés par les inondations ayant touché les zones Gatumba et Rukaramu de la commune Mutimbuzi. Et le DPE Bujumbura indique que les démarches sont en cours pour délocaliser ces élèves. Le président de la CNDH déplore le fait que certaines autorités rejettent les décisions judiciaires et s'ingèrent dans le travail des autres. Dans un atelier organisé par la CNDH à l'endroit des administratifs et des responsables de sécurité et les instances judiciaires qui se déroulent à Gitega, Sixte Vigny, Nimuraba appellent au strict respect de l'éthique et de la déontologie de leur travail. Et la chronique sportive de ce lundi axée sur le para-badminton pratiqué par les personnes vivant avec le handicap. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Deux personnes sont déjà mortes noyées par la rivière Kajeke en commune Gihanga de la province de Bubanza. Huit maisons déjà à terre et les routes quasiment impraticables. Tel est le bilan provisoire de l'inondation de la plaine de Gihanga par la rivière Kajeke qui a perdu son lit initial. L'administrateur de la commune Gihanga explique qu'on est en train de tout faire pour remédier à cette situation. Les détails avec Space Caritas Kabanyana. L'une des victimes de noyade de la rivière Kajeke était un enfant qui était en train de nager dans cette rivière, c'était la semaine passée. L'autre est une femme de la colline Kihungwe qui était avec son mari et un enfant. Ils traversaient la rivière au niveau de la deuxième transversale ce lundi matin. Tous ont été emportés par des courants d'eau. L'homme et l'enfant ont été repêchés vivants. La femme reste introuvable jusqu'à présent. Et on n'a pas l'espoir de la retrouver vivante selon la famille. Huit maisons se sont déjà écroulées suite à l'eau. Plus de 50 autres menacées selon l'administration locale. La cinquième transversale et la dixième transversale, route qui donnait accès à la RN5 à partir du chef-lieu de la commune Gihanga, sont quasiment impraticables. Les habitants de Gihanga lancent un cri de secours et appellent les autorités à intervenir afin de limiter les dégâts. Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga, explique ce qu'on prévoit faire pour remédier à la situation. Nous avons un problème actuellement causé par la rivière de Kajeke qui a perdu, je dirais, son lit. Et actuellement, on est en train de ménager tous nos efforts afin de protéger la population. En ce lit initial, on a aménagé quelques travaux. Actuellement, on a emprunté des engins, entre autres une machine un peu pocrée, mais nous attendons des techniciens pour pouvoir orienter l'activité à faire au niveau du Kihage de Kajeke. La route nationale numéro 5 qui mène vers la province Cibitoke, nouvellement réhabilitée, est également menacée selon les passagers. Space Caritas Kabanyana à Gihanga pour la radio Isanganiro. Merci à Space Caritas Kabanyana pour tous ces détails. Plus de 4600 élèves des écoles publiques sont touchés par des inondations ayant touché les zones Gatumba et Rukaramu de la commune Mutimbuzi. Le directeur provincial de l'éducation en province de Bujumbura fait savoir que les candidats au concours dans les classes de 9e année et terminale ont été insérés dans d'autres écoles pour se préparer à ces tests. À Raphaël Chiza d'ajouter que pour d'autres élèves, l'heure est au comptage au site d'Isobel pour que des tentes soient érigées permettant ainsi à ces élèves de terminer l'année scolaire. Il appelle les enseignants à suivre de près leurs élèves malgré les conditions difficiles. Suivez-le au micro de Mary Kanyang. La commune Mutimbuzi a été secouée par les inondations et sera il y a plus de deux ans et le système éducatif a été gravement touché dans cette localité. À partir de ce trimestre, nous avons essayé de chercher d'autres salles pour que les élèves puissent continuer les études. Mais malheureusement, aujourd'hui nous assistons à une forte inondation dans cette région qui fait que la population se déplace vers d'autres lieux. Vous comprendrez que les élèves vont se déplacer avec leurs familles et il est difficile de localiser où se trouvent ces élèves. Au début de ce trimestre, nous avons essayé de chercher partout les salles de classe pouvant accueillir ces élèves pendant ce trimestre, mais malheureusement, avec ce déplacement, tous les efforts fournis sont voués à l'échec. Mais on est à la veille des examens du troisième trimestre. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire justement pour que ces élèves puissent terminer l'année scolaire en toute quiétude? Nous avons essayé de chercher au moins des salles de classe où on peut les trouver. Les élèves de la 9e et ceux de la 1ère, de la 3e, on les va déplacer vers l'école prisée qui s'appelle SSM Kajaka pour qu'ils puissent se préparer à ces examens. Mais aussi, nous savons que les autres classes vont faire des examens de fin d'année. Nous pensons qu'une fois l'installation des familles dans la cité d'elle, nous allons demander au ministère de nous appuyer en cherchant des écoles mobiles pour que ces élèves puissent quand même terminer l'année scolaire comme les autres, même si les conditions n'ont pas été favorables. Et ces élèves ayant été dispersés par cette inondation, il peut être difficile pour qu'ils puissent rejoindre les centres de passation qui étaient prévus. Nous sommes en train de faire une identification des élèves qui sont établis suite à cette inondation pour qu'on puisse localiser réellement où ils pourront passer leur concours. Est-ce qu'on peut savoir le nombre d'élèves touchés par ces inondations? Nous avons des effectifs de ces élèves qui sont victimes de ces inondations. Nous avons un effectif total de 4807 élèves. Pour les élèves, comme ils se préparent aux examens, je les encourage à ne pas être découragés par ces situations dans lesquelles ils sont, mais qu'ils continuent à faire tout ce qu'ils font pour qu'ils puissent bien terminer l'année. Et pour les enseignants, je les demande d'être toujours près de leurs élèves malgré les conditions difficiles. Quatre ministres du gouvernement, savoir le ministre des Affaires intérieures, celui des infrastructures, de la solidarité, celui de l'agriculture, sont en train d'effectuer ce lundi une descente en zone Gatumba de la commune Mutimbuzi pour constater les dégâts causés par des inondations. La route goudronnée passant par cette zone est menacée. Les inondations passent au-dessus de la route. Le long de cette dernière, des victimes de ces inondations tirent la sonnette d'alarme. Les inondations continuent à menacer les maisons d'habitation. Une courte pause. Isanganiro, la radio de l'avenir. Parlons droit de l'homme à présent. Certaines autorités rejettent les décisions judiciaires et s'ingèrent dans le travail des autres. Ceci a été dit ce lundi à Gitega par le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CIDH, dans un atelier sur le rôle des administratifs et des responsables de sécurité et les instances judiciaires de la région centre-est, Sixte Vigny Nimuraba, le rappel à respecter l'éthique et la déontologie de leur travail. Les détails avec Arthur Kavaouchi. Dans cet atelier, le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Sixte Vigny Nimuraba, revient sur l'attitude de certains administratifs qui font encore reculer les droits de l'homme au Burundi. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme enregistre souvent des cas où certains administratifs ne respectent pas les décisions judiciaires prises en matière civile. L'ingérence dans des chefs de poste, de police et des autorités dans le travail des OPG, les détentions illégales et arbitraires orchestrées par des autorités administratives et même par les OPG, des faits non infractionnels comme des dettes civiles ou pour d'autres affaires paisibles d'amendes judiciaires ou administratives, le refus des procureurs à délivrer des billets de rajustement pour les prévenus acquittés et cela en violation flagrante de l'article 262 du Code de procédure pénale. Le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme appelle ses administratifs à éviter l'ingérence dans l'accomplissement de leurs tâches. L'intérêt de les réunir ici, c'est de nous rassurer que ces gens connaissent exactement ce qu'ils font et qu'ils connaissent qu'ils doivent respecter l'éthique, la déontologie et qui régit leur travail. Cet atelier qui a débuté ce lundi va durer 2 jours à réuni les administratifs, les responsables de la sécurité et judiciaire de la région centre-est. Depuis Gitega, Arthur Kavabushi pour la radio Sanganiro. Merci Arthur Kavabushi pour tous ces détails. L'Assemblée nationale a procédé à l'analyse du projet de loi relatif aux accords de dons qui appuie la politique de la gratuité des soins de santé des enfants de moins de 5 ans ainsi que celle de l'accouchement gratuit. Dans une séance plénière de ce lundi, le ministre de la Santé a notifié aux élus du peuple que ce projet est financé par 3 partenaires dont le gouvernement burundais, l'Union européenne ainsi que la Banque mondiale et que le partenariat avec cette dernière allait prendre fin avec le mois de juin prochain. Suivez le docteur Tadine Koumadre. Depuis 2007, le gouvernement burundais a mis sur pied la politique de gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et pour les femmes enceintes ou qui accouchent. Cette politique continue toujours. Comme elle nécessite beaucoup de moyens, au sein du ministère de la Santé et de lutte contre le sida, on élabore les projets pour être soutenus par les partenaires. Ces projets très honorables sont financés par 3 partenaires, dont le gouvernement burundais en premier lieu. En deuxième lieu, c'est l'Union européenne. Et enfin, c'est la Banque mondiale. Le partenariat avec la Banque mondiale allait prendre fin le 30 juin prochain. En 2020, on a donc élaboré un autre projet dans l'optique de soutenir cette politique gouvernementale de gratuité des soins. Toujours dans cette politique, il y a un projet de construction des laboratoires. Nous les avons construits notamment à Chibitoke, à Kayanza, à Makamba et Muyinga, Ruyigi et Gitega et ailleurs. Ce projet a pris fin en 2020, mais toujours, est-il vrai que ces laboratoires doivent être équipés? C'était le ministre de la Santé dans la traduction de mon confrère Robin Niyonguru. Je rappelle ce qui vient de nous capter en cours de route que ce projet de loi portant ratification du Burundi des dons accordés par la Banque mondiale des montants de 54,6 millions de dollars vient d'être adopté à l'unanimité. Le Burundi compte accueillir plus de 140 000 rapatriés provenant de la Tanzanie au cours de l'exercice de rapatriement 2021-2022 lors de la 22e réunion tripartite entre le Burundi, la Tanzanie et le Haut Commissariat des réfugiés ce lundi. Le secrétaire permanent chargé des affaires intérieures et de développement communautaire au sein du ministère ayant les affaires intérieures dans ses attributions indique que le Burundi est disposé à accueillir tout Burundais désirant regagner son pays natal. Suivez plutôt Martin Inderetse. Pas d'inquiétude. Peut-être que les gens qui se lèvent des inquiétudes, ce sont des gens qui n'ont pas compris l'état où nous sommes au Burundi. Nous sommes dans un très bon état où toutes les libertés sont protégées et tous ceux qui bafouent les libertés individuelles sont sanctionnés conformément à la loi. Les Burundais vivant ici au Burundi, ils sont témoins. Ce n'est pas seulement l'autorité, mais les citoyens lambda peuvent témoigner de tout ça. On est bien au pays et on encourage les gens réfugiés à l'étranger de rentrer pour construire leur pays, leur ménage. Tous ceux qui hésitent mérite de rentrer. Nous les encourageons. Nous avons le partenaire HCE qui leur donne un paquet retour. Nous avons la population qui les accueille très bien. Tous ceux qui se sont rapatriés n'ont rencontré aucun problème. On a sensibilisé toute la population pour un bon accueil. On a sensibilisé l'administration pour un bon accueil de tous les rapatriés. Et prochainement, on va développer la réinsertion, la réinstallation des rapatriés. C'est-à-dire quoi? On va voir ceux qui sont vulnérables et on va leur construire des maisons pour qu'ils soient accueillis en bonne forme et qu'ils soient réinsérés dans leur village natal. La prévision reste une prévision. Nous avons une prévision d'à peu près 55 000 rapatriés cette année, mais nous sommes prêts à accueillir tout Burundais désirant rentrer dans son pays natal. Les prévisions sont à peu près 55 000, mais même s'ils rentrent tous, on est prêt à les accueillir à bras ouverts. La question d'étude, c'est simple. Ils ont étudié dans un système qui n'est pas un système burundais. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur va se pencher sur cette question et va trouver solution au moment venu. Propos recueillis par Omer Ndouayo. Un conducteur de taxi-moto a été grièvement blessé dans la soirée de ce dimanche sur la colline zone Masango de la commune Bukinanyana en province Chibitoke. Ce conducteur de taxi-moto a été blessé à coups de poignard par deux personnes qu'il transportait et qui avaient l'intention de lui voler cette moto, indique les sources sur place. La police à Bukinanyana indique avoir saisi la moto et avoir déjà mis la main sur ces deux présumés malfaiteurs. Et la victime a été évacuée vers un des hôpitaux de Bujumbura, la capitale économique. Pour éviter ce genre de crime, l'administrateur de la commune Bukinanyana, Christian Hurikiye, appelle les conducteurs de taxi-moto à la cessation de ce transport pendant les heures avancées. 6 cas de suicide ont été enregistrés en province Kayanza depuis le début de l'année en cours. Au niveau de l'administration en cette province, l'on indique que c'est fort déplorable qu'une personne soit dépassée par ses problèmes psychosociaux jusqu'à se suicider faute de manque d'intégration sociale dans la communauté. Le gouverneur de Kayanza, Rémi Chichahayo, demande aux administratifs et à tous les niveaux de multiplier des séances de dialogue avec ceux qui dirigent et ceux dans l'objectif de les aider à trouver solution à leurs problèmes. Les détails avec Patrick Nsengiumva. Selon les informations recueillies auprès de la police à Kayanza, le nombre de cas de suicide en cette localité a augmenté passant respectivement de 3 l'an 2020 à 6 et 5 mois de l'année en cours. Les mêmes informations disent que beaucoup de victimes de ces cas de suicide sont des hommes et ont une tranche d'âge variant entre 30 et 60 ans. Au niveau de la police en province Kayanza, l'on indique que ces 6 personnes sont victimes des cas de suicide de l'an courant, 2 sont originaires de la commune Muruta, une de la commune Kayanza, une autre encore de la commune Lango et 2 autres respectivement des communes Matongo et Gahombo. En ce qui concerne les causes de ces suicides, les conflits familiaux entre les couples mariés, les conflits fonciers, la pauvreté dans les ménages et la déception de différentes natures en sont les principales d'appeler la police à Kayanza. Vincent Akizimana, expert en psychologie enseignant à l'université, fait savoir que le suicide suit essentiellement 3 étapes, dont les idées suicidaires, une phase de dépression, où le candidat au suicide trouve que la vie n'a plus de valeur pour lui, les tentatives de suicide, et enfin l'acte de suicide proprement dit. D'après lui, si cette personne trouve d'intégration sociale dans la communauté à cette étape de tentative de suicide, il pourra abandonner ses idées de suicide. Vincent Akizimana a demandé au gouvernement burundais de prévoir des séances de renforcement de capacités en matière de psychologie auprès des agents communautaires de santé afin qu'ils puissent aider dans la communauté les personnes ayant des problèmes psychosociaux. Rémi Chichai, gouverneur de la province Kayanza, interpelle les administratifs à tous les niveaux de multiplier les séances de dialogue avec ceux qui les dirigent et sont dans l'objectif de savoir leurs problèmes et les aider à y trouver solution. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumva pour Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Je vous le dis en titre, para-badminton est un jeu de badminton pratiqué par les personnes vivant avec le handicap qui possèdent des attestations médicales prescrites par les docteurs démontrant leur handicap. C'est l'explication de Nicolas Bibonimana, directeur technique au sein de la Fédération burundaise de badminton, qui précise que les joueurs qui ont la même sorte de handicap s'affrontent entre eux lors des compétitions. Les détails dans cette chronique sportive avec Marie-Claire Cazenet.